Je n'ai jamais rien compris à Alice. L'idée que j'ai d'elle change continuellement. Elle semble perdue, toujours en train de mettre de l'ordre dans le grand bordel de sa vie. Il y a une chose dont je suis vraiment sûr, c'est que c'est fini entre nous. À chaque fois que je lui demande de confirmer, elle confirme. Quelque part, je suis heureux de savoir au moins ça d'Alice. Elle ne veut plus de moi. Pourquoi je parle encore d'elle? Pourquoi? Parce qu'elle reste un mystère, parce qu'elle est passée dans ma vie et qu'elle a tout chamboulé, parce que finalement j'ai moi aussi besoin de mettre de l'ordre, de comprendre pourquoi c'était si beau et en même temps si désespérément triste. Pourquoi la mécanique de notre couple s'est mise à grincer avant de se bloquer complètement. Je crois que c'est son regard ou son sourire magnétique. En fait, j'en sais rien. Mais il y a quelque chose chez Alice qui m'a fait ressentir des choses que j'avais perdues depuis très longtemps. Des choses que j'avais perdues ou que j'espérais trouver un jour sans trop l'espérer. C'est devenu comme une renaissance. C'est devenu comme un commencement. Une nouvelle vie. Tout le passé venait d'être balayé. Le passé tout fade et tout petit devant l'incroyable beauté d'Alice.